Dossier 5. Leçon 1. Témoignage. Activité 9. 1. Eh bien moi, cette année, mon fils se déguise en Zorro. 2. Ma grande fille, elle sait bien que c'est nous qui achetons les cadeaux. Mais la petite qui a 2 ans et demi croit encore que c'est le père. 3. Ah, toutes ces couleurs, c'est vraiment magnifique. Un peu de patience, les enfants. C'est pas facile de les trouver. Quelquefois, ils sont un peu cachés sous les plantes. Il faut bien regarder. 5. Ouh, il est très joli, ton dessin. Tu as fait ça à l'école avec la maîtresse? Ta maman va être très contente, tu sais. 6. Alors, on met une pièce dans la main gauche et avec l'autre main, hop, on la fait sauter très haut.